Chapitre 208. L'incitation à accomplir une prière de deux unités en entrant à la mosquée, Tahiyatul Masjid, et la réprobation de s'asseoir avant d'accomplir au moins deux rak'at, quel que soit le moment ou le type de prière, obligatoire, facultative, Tahiyatul Masjid, etc. 1144. D'après Abu Qatada, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assoie pas avant d'avoir accompli deux unités de prière, raka'at. Al-Bukhari et Muslim. 1145. Jabir, radiyallahu anhu, a dit: je me suis rendu auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il se trouvait dans la mosquée, et il m'a dit: prie deux raka'at. Al-Bukhari et Muslim.